Niko na lamukia kila nduku na kila dada mwingine Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Niko na lamukia tena banduku na badada wale wanatufuata kwa internet. Je salue également des frères et des sœurs qui nous suivent à l'internet. Na boni kuna balamukia mwingine Yesu Kristo. Et aussi je les salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tuko na furaha mingi juu tunapatikana mnyumba ya Mungu. Nous sommes tellement dans la joie parce que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu. Juu ni nyumba ya correction. Parce que celle-ci c'est la maison de correction. Atukuye paifuashi juu ya kubechana. Nous ne sommes pas venus ici pour nous concurrencer. Hapa tunakuja juu Mungu atukorije. Mais ici nous sommes venus ici pour que Dieu puisse nous corriger. Atoneshe pa bibaya bile tukunafanya. Qui nous montre le mal que nous faisons. Juu tupate kujitengeneza. Afin que nous puissions nous amender. Bila shiku kawia tuko na shibama juu kusoma neno ya Mungu. Sans tarder, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Tuko na fungula Biblia yetu mu Genèse chapitre 18. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 18. Mustari ya kwanza kufika paka ile ya 15. Du premier verset jusqu'au 15e verset. Tutabeba tena wa Ibrania sura ya 13. Nous allons prendre également les Hébreux chapitre 13. Mustari ile ya 8. À partir du 8e verset. Genèse chapitre 18. Mwanzo sura 18. Verset 1 jusqu'à 15. L'Éternel lui apparit parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Akalamusha macho yake na akaangalia. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Tazama watu tatu walisimama mbele yake. Quand il les vit, wakati alibaona, il courut au devant d'eux. Akabakimbilia kwenda mbele yabo. Depuis l'entrée de sa tente, tangia mulango ya hema yake, il se posterna en terre. Akainama chini. Et il dit, na kusema, Seigneur, Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama mina pata neema kumacho yako, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Usiende mbali mina kusi na mutumishi wako. Permette qu'on emporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Urusu bamilete kwanza maji kidogo kumoshe miguu yenu. Et vous reposez-vous sous cet arbre. Naya mupate kupumzika chini ya muti. J'irai prendre un morceau de pain pour offrir votre cœur. Taenda kuchugua kipande ya mukate ni mifurahishe moyo. Après quoi vous continuerez votre route. Na kisha mutaendelea safari zenu. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Kwani njo kinye munapitia pembeni ya mtumishi wangu. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Wakamujibu ufanye vile unasema. Abraham alla proprement dans sa tente vers Sarah. Abraham akaenda kwa rafla muhema mbele ya Sarah. Et il dit, vite trois mesures de fleurs de farine. Akamwambia wende haraka ulete bunga pimo tatu. Pétri et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Fruits un veau tendre et bon. Et le donna à un serviteur qui les hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec les veaux qu'on avait apprêtés, il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre. Et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Yeule kumule muhema. L'un d'eux dit, mumoja wabo akasema, je reviendrai à toi à cette même époque. Mitakuja kwako mpaka mui wakati moya moya. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Tazama Sara mke wako atazala mtoto mwanaume. Sara écoutait à l'entrée de l'entente qui était derrière lui. Na Sara alisikia mule muhema ilikuwa nyuma yabo. Abraham et Sara étaient vieux avancés en âge. Abraham na Sara barikuwa banesha kuzeka na basho komeya. Et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Na Sara naye asikutumaini tena kuzala watoto. Elle rit en elle-même en disant. Akacheka ndani yake na kusema. Maintenant que je suis vieille. Na hivi mimi nesha kuzeka. Aurais-je encore des désirs? Et timita kwa tena na mania. Mon Seigneur aussi est vieux. Bwana wangu naache kuzeka. L'Éternel dit à Abraham. Wa milele akamwambia Abraham. Pourquoi donc Sara a-t-elle ri? Dieu a nini basi Sara anacheka na kusema? Est-ce vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Eti kweli kweli tu mitakuwa tazala mtoto mimi mwenye kuzeka. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Hakuna kitu kya kushangaisha mbele ya wa milele. Ni question. Eti kuko ako kitu kya kushangaisha mbele ya wa milele? Autant fixé. Mwakati ya mafa. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Tarudiaka kwako paka mui wakati moya moya. Et Sara aura un fils. Na Sara atazala mtoto mwanaume. Sara menti en disant. Sara naye akalongofya na kusema. Je n'ai pas ri. Mishi kucheke. Car elle a eu peur. Kwani alisikia boka. Mais il dit. Alakini akasema. Au contraire tu as ri. Alakini uricheka. Ni wanaomba. Je vais prier. Wa milele Mungu wa kumbingu. L'Éternel, le Dieu du ciel. Nous te remercions tellement. Après avoir traversé toute une semaine. En écoutant les conseils de ta parole. Tu nous as donné encore une semaine à notre vie. Et la raison pour laquelle tu nous accordes encore les jours. C'est pour que nous puissions nous préparer. Accepte alors ce soir. De nous agréer. Que tu descendes comme tu le faisais jadis. Ta présence dans cette salle. Il est très nécessaire. Ça, c'est lui qui délivre le cœur des gens. C'est seulement toi. Voilà que nous venons de lire la parole. Tout homme qui a étudié peut aussi lire. Mais nous nous invitons ton esprit. Lorsque ton esprit parlera, donne-nous l'entendement spirituel. On écoute des fois comme les disciples. Du début jusqu'à la fin soit glorifié. Tout ceci pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Hébreux chapitre 13. Wa Ebrania sura 13. Verset 8. Mustari ya munani. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ ni sawa sawa jana leo na milele. Ni yulu ya imyanjiko tukunapenda kusemea mwijuma. C'est sur base de ces écritures que nous allons parler au courant de cette semaine. Bia kweri hakuna bia sasa jumusha kushikia bia mingi. C'est vrai, il n'y a pas de nouvelles choses. Vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Meneno ya Mungu wakati yote iko na hubiriwa. Mais la parole de Dieu chaque fois qu'elle est prêchée. Kwa mtoto wa Mungu inegalaka siku yote paka ya sasa. Devant un enfant de Dieu, tout cela paraît toujours nouveau. Kufu paka kile Mungu atasema. Il y a toujours ce que Dieu va dire. Kile kitaweza kuongeza kuimani yako. Qui peut ajouter à ta foi. Kichwa ya mahubiri yetu, le sujet de notre prédication. Tuko na itosha mule mu Genèse chapitre 18. Nous le tirons dans Genèse chapitre 18. Mu mustari yake ya 14 si je ne me trompe pas. Verset 14. Biblia iko nasema, la Bible dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Eti kukako kitu kya kushanga mbele ya wamileni? Wakati Frère Branham a rubiri message. Lorsque Frère Branham a prêché ce message. A intitulé. Il a intitulé aussi. Y a-t-il rien qui soit trop difficile de la part du Seigneur? Eti unawezi kwako kitu kya nguvu mbele ya Bwana? Mungu apate kumbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Eti kukwabo kintu kenye kuwa kia nguvu zaidi kupande ya Bwana? Y a-t-il quelque chose qui peut être difficile devant donc, le Seigneur? Donc maubiri yetu ni ulizo. C'est-à-dire notre sujet c'est une question. Kuko kintu kile unayua? Y a-t-il quelque chose que tu connais? Kile kiko kia nguvu kabisa kumupita Mungu. Qui peut être difficile à Dieu? Ni question kwa kila ndugu na kwa kila dada. C'est une question qui est adressée à chaque frère et à chaque sœur. Na Dieu nini Mungu alitosha hii masauti? Pourquoi Dieu l'a dit ainsi? Parce que wakati Mungu alionaka mwakati ya Sodoma na Gomora. Puisque lorsque Dieu a vu du temps de Sodome et de Gomorre, nzambi ilikuwa ilisha kupita. Les péchés avaient beaucoup accru. Bantu barikuwa barisha kujalabisha sana mwakati ya Sodoma na Gomora. Les gens étaient devenus pervers du temps de Sodome et Gomorre. Barianza kufanya bintu pashipo kushituka tena Mungu. Ils faisaient des choses sans toutefois se douter de Dieu. Manzambi le barikuwa nafanya mu Sodoma na Gomora. Les péchés qui se commettaient du temps de Sodome et de Gomorre. Na bibaya bile barianza kufanya mu Sodoma na Gomora. Et les mal qui se faisaient à Sodome et Gomorre. Makelele ya bile bya bibaya byote ikafika kumbele ya Mungu. Le bruit de tous les mal qu'ils faisaient est arrivé aux yeux de Dieu. Kila ndugu na kila dada anapasha kujua kusema. Chaque frère et chaque sœur doit savoir que nzambi nekalaka mkumfanya Mungu makelele. Le péché fait des bruits devant Dieu. Kila wakati kama mtu anajitumbukiza munjia ya zambi. Chaque fois qu'un homme se plonge dans le péché, ajue kusema Mungu mumbingu iko namfanya makelele. Qu'il sache que son péché là est en train de faire des bruits devant Dieu. Ndio vile vilikuwa mwakati ya Sodoma na Gomora. C'est ce qui était du temps de Sodome et de Gomorrah. C'est que bale bantu bakuwa nashituka tena Mungu. Ces gens là ne faisaient aucun cas de Dieu. Barianza kufanya biote bile vilikuwa nakuya paro yabo. Ils faisaient tout ce qui s'élevait dans leur cœur. Na ile ikaanza kumuji Mungu. Et cela a commencé à déranger Dieu. Kama mtu yuko natenda dhambi. Lorsque quelqu'un commet les péchés, yuko na uji Mungu. C'est-à-dire il est en train de déranger Dieu. Na kama yuko na uji Mungu. Et si tu déranges Dieu, Mungu yuko na waza namna ya kukuua. Dieu cherche comment te détruire. Est-ce que tuko pamoja? Sommes-nous ensemble? Kama uyue kusema mu maisha yako yuko na uji Mungu. Si tu ne sais pas que dans ta vie là tu es en train de déranger Dieu, yuko na bébé a mipango ya kutosha hata pa dunia. Il prend la décision de te faire sortir du monde. Eko na kuwajia bibaya. Il est en train de concevoir du mal à ton égard. Parce que wewe unamuji. Parce que toi tu l'as dérangé. Kama unatenda nzambi. Lorsque tu commets un péché. Yote loko natenda. Tout ce que tu fais là. Uyue kusema iko naenda mbio mu présence ya Mungu. Sache que ça se dirige tout droit dans la présence de Dieu. Abana kuwajia kusema iko naishia paka papa kambo. Ne crois pas que ça s'arrête seulement ici à Kambo. Nzambi kama unaitenda. Le péché lorsque tu les commets. Iko na vitesse moya incalculable. Ça court à une grande vitesse que tu ne peux pas imaginer. Iko naenda directement mu présence ya Mungu. Ça va tout droit dans la présence de Dieu. Na kama nzambi nafika mu présence ya Mungu. Et si ton péché arrivait dans la présence de Dieu, Mungu anaanza kuwaza namna ya kukuharibisha. Maintenant Dieu cherche comment te détruire. Wakati Sodoma na Gomora ilifika mwile makondisyon. Lorsque Sodome et Gomorre étaient arrivés dans ces conditions là. Parce que kama unasoma mu Biblia, si vous lisez dans la Bible, Yesu Kristo, Jésus Christ, wakati alikuwa mwili wa mtu, lorsqu'il était dans la chair humaine, alianza kusema, il disait ceci. Sasa vile bilikuwa mwakati ya Sodoma na Gomora. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorre. Ndio vile bitakuwa mwakati ya kurudia kwa mwana wa mtu. C'est ce qui lancera aussi lors du retour de fils de l'homme. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Sasa vile bubaya bulipita. Comme les mal avaient beaucoup mwili mkini ya Sodoma na Gomora. Dans cette ville de Sodome et de Gomorre. Bantu walianza kuona plaisir sana. Les gens walikuwa najifurahisha. Kuoana banaume ku banaume. Faire l'homosexualité. C'est que bon, tu vas finir mon kipimo. Ils étaient arrivés au point. Et mon mariage, bon, tu vas te banafuanyaka. Le mariage que tout le monde est en train de faire. Bon, on a semaine bubumba. Ils ont vu que ça c'est la sottise. Mais maroya bon, les bon, tu bouille wakati. Le cœur de ces gens-là dans cette époque. Bah, rien de pas couper le banaume, bah, ouane ku banaume. Ils préféraient que les hommes se marient entre eux. Mais dans la vie, tu viens il est norme, non? Des choses pareilles. Birikwa na mufanya Mungu makelele. Ça faisait des bruits aux oreilles de Dieu. Parce que ilikuwa ni bitu bibaya. Parce que c'était une abomination. Na Mungu ashikupenda kile kintu. Et Dieu n'a pas supporté la chose. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que nzambi kama mtu anaifanya. Parce que le péché lorsque quelqu'un le commet. Iko namuletea Mungu makelele. Ça embrouille Dieu. Na mbele ya Mungu kufanya kitu kiote kiote. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit. Mungu mbele anapendaka. D'abord Dieu lui aime. Ahakikishe kama vile biko nashikilika mumashikio ni vya kweli au ni vya bongo. Qu'il puisse d'abord confirmer ce qu'il écoute là, c'est vrai ou faux. Na Mungu anafanyaka nini? Et qu'est-ce que Dieu a toujours Mungu fait? Mungu anatumaka ndio batumishi. Il envoie ses serviteurs. Mungu apate kubariki. Et Dieu vous bénisse. Tu kama mtu uko natenda nzambi. Lorsque quelqu'un commet les péchés. Na Mungu anamtumia mtumishi wake. Et que Dieu lui envoie son serviteur. Kama ile nzambi haikukwea makusudi. Si ce péché là n'était pas volontaire. Ule mtu atatubu. Cet homme là va se repentir. C'est ça la manière de Dieu de confirmer. Et si cet homme le fait sciemment ou pas? Lorsque Dieu voit que tu as commis le péché, il va t'envoyer ses serviteurs. Ils viennent avec l'évangile. Toi là qui commets le péché qui n'est pas volontaire, lorsque tu écoutes l'évangile qui parle sur ta vie, sur les champs là tu vas arrêter. Et lorsque tu arrêtes et que tu te répands, la colère de Dieu va s'apaiser. Sommes-nous ensemble? C'est comme ça que Dieu a toujours fait. C'est pourquoi lorsque Dieu a vu que le péché a beaucoup accru, il a pris des anges. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, accompagnez-moi là-bas. Parce que le bruit de Sodome et de Gomorrhe monte tellement dérangé. Accompagnez-moi. Nous allons confirmer si c'est vrai. On détruise cette ville. Que Dieu vous bénisse. Si ce n'est pas vrai, nous ferons autrement et nous allons rentrer. Lisez bien la Bible, c'est comme ça que ça a été. Que Dieu vous bénisse. Lorsque l'évangile est prêché, Dieu discerne le cœur de chaque frère et chaque soeur. Lorsque quelqu'un s'éherpe sans le savoir, sans le vouloir, et que l'évangile est prêché, il va se repentir. Est-ce que sommes-nous ensemble? Si quelqu'un a commis le péché qui n'était pas volontaire, mais ce péché là c'est pas sa vie, il s'efforce à pouvoir abandonner le péché, mais il ne parvient pas. Lorsque l'évangile sera prêché, au point où de savoir si cet homme le fait sciemment ou pas. Au travers de l'évangile. C'est pourquoi Mungu alibeba ba malaika ba deux. C'est pourquoi Dieu a pris des anges. Ya kusema mkuu ya munipeleke. Disant, accompagnez-moi. Twende tukaangalie tu confirmer chez benyewe. On a y confirmé. Kama ile mambo tuko nashikia ni ya kweli au ni ya bongo. Si ce qu'on entend là est vrai ou faux. Parce que kama injili inahubiriwa. Parce que lorsque l'évangile est prêché. Mais wewe uko naendelea kuishi paka maisha mubaya. Et que toi tu continues à mener une mauvaise vie. C'est-à-dire, tu es à mesure de supporter le jugement de Dieu. Et Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, tu t'opposes à Dieu. Toi qu'on prêche. Est-ce que elle là qui prêche ne commet pas le péché? Tu te consoles avec tes fausses pensées. Sache que des choses commises sciemment, tu ne seras pas pardonné. C'est la vérité. Bien quoi. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur, il doit vérifier sa vie. Parce que chaque fois que nous nous réunissons, mon frère, la Bible dit, lorsque deux personnes ou trois personnes se réunissent à mon nom, moi Dieu je suis au milieu d'eux, est-ce que devant l'éternel il y a-t-il quelque chose qui est difficile devant Dieu? Hein, frère? Oui mon frère. Ou vérifier mbele, est-ce que vérifie d'abord à Mungu. En Dieu. Y a-t-il quelque chose qui est difficile à Dieu? Pourquoi toi tu as fait longtemps à l'écoute à l'évangile, mais ta vie est toujours la même? Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu a sorti ces paroles. Il y avait la raison. Y a-t-il quelque chose qui est difficile à Dieu? Kiko hapo? Est-ce qu'il y en a? Angalia frère. Regarde mon frère. Mu maisha ya muntu. Dans la vie de l'homme. Ile nzambi wako unafuanya. Les péchés que tu commets là. Mu dunia muko bale barifuanyaka na kupita yako. Dans le monde il y en a qui ont commis des péchés. Mais wakati barifuanyaka ya wa milele. Et lorsqu'ils sont entrés dans la présence de Dieu. Kaka. Les choses ont changé. Mungu asishindwake na kintu. Dieu n'échoue jamais. Tuko naishi mukizazi. Nous vivons dans un âge. Kile kinayala na ba incrédule ba mingi. Là où se plaint ba kutokuamini. Njoko mbona konaona mtu anakuya? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui vient. Anarudia paka vile alikuya. Il rentre tel qu'il était venu. Alikuya ni kukanisa. Il est venu à l'église. Mais asikuingia muwepo ya wamilele. Mais il n'est pas entré dans la présence de Dieu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que wakati Mungu frère. Parce que lorsque Dieu mon frère. Arianda kwenda kuharibisha Sodoma. Il allait pour détruire Sodome. Mais Mungu alipenda mbele amtembelee Abraham. Dieu voulait d'abord visiter Abraham. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que Mungu ni mwema frère. Parce que Dieu est trop bon. Si atuweze leo kuwa batoto ya Mungu. Nous on peut pas devenir enfant de Dieu. Mais tushinde kujua bile Mungu yuko natafuta kufanya pa dunia. Mais comment que de connaître ce que Dieu va faire sur la terre? Hapana. Non. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mutoto wa Mungu wote leo. Tout enfant de Dieu aujourd'hui. Yuko najua kusema pa dunia hapa tuko naishi. Il sait que sur la terre nous vivons. Hakuna tena wakati. Il n'y a plus de temps. Dunia tuko naishi. Le monde dans lequel nous vivons. Zambi moya moya ya Sodoma na Gomora. Le même péché de Sodome et de Gomorrah. Irisha kuya plein. Il est déjà plein. Ndia mukambove. Que ça soit Kambove. Kwenda fwashi yote ulimwengu mzima. Dans le monde entier ce péché. Hakuna tena kile kiko na muretenir Mungu. Il n'y a plus rien qui retient Dieu. Ispo kuya tu épouse ou la kingariki pa dunia. Si ce n'est pas seulement l'épouse qui est encore sur la terre. Batoto ya Mungu beko au courant. Les véritables enfants de Dieu sont au courant, ils sont informés. C'est la vérité. Bien kweli. Kama mtu leo yuko mkulengama. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est distrait. Ni kusema hana wakutayarishiwa juu ya kwenda. C'est-à-dire il n'est pas prédestiné pour le départ. Mungu akasema. Et Dieu a dit. Est-ce que nitamfichika Ibrahimu bila nitakufanya? Cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Hapana. Non. Parce que Mungu ndio alimuitaka Ibrahimu. Parce que c'est Dieu qui a appelé Abraham. Kama Mungu anakuita paka atakuhangaikia. Si Dieu t'appelle, il va se préoccuper de toi. Mtu. Dieu n'est pas comme un homme. Anakuita kuokovu. Il a appelé au salut. Kisha kufichika mambo ingine ingine hapana. Par après, qui te cache encore quelque chose? Non. Dieu n'est pas comme cela. Akabeba malaika ba deux. Il a pris des anges. Munipeleke kwa Abraham. Accompagne-moi chez Abraham. Bakabeba miri ya bantu. Ils ont porté les corps des hommes. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Juba pitie kwa Ibrahim. Pour qu'il passe par chez Abraham. Biblia inasema. La Bible dit. Balikuwa tu sana bantu bote hapo bakawaida. Ils étaient comme des hommes ordinaires. Mais bakaenda kupitia kwa Ibrahim. Mais ils sont passés par chez Abraham. Ibrahim pale alikuya. Abraham là où il était. Kumbele ya hema yake. Devant sa tente. Biblia inasema. La Bible dit. Alikuya mu atmosphère ya kiro. Il était dans l'atmosphère spirituelle. Alikuwa anameditate mambo ya kimungu. Il méditait des choses divines. Na katikati ya maombi. Et il était dans la prière. Wakati anainuka lorsqu'il s'est levé de la prière, il a vu ces hommes akapata révélation. Et il a eu ufunuo. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ibrahim akapata révélation. Abraham a reçu la révélation. Akangaya akasema aba bantu. Il a regardé, il a dit ces gens. Abana sa bantu bote. Ce ne sont pas comme des hommes ordinaires. Que Dieu vous bénisse. Tu as nini Ibrahim? Pourquoi Abraham? Arifikia mukipimo. Et tu l'arrivais au point. Kia kuachanisha bajumbe ya Mungu na bantu bote. De différencier les messagers de Dieu au reste des hommes. Njo mambo ile tunapasha tujue leo. C'est ce que nous devons connaître aujourd'hui. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que mambo ya Mungu ni mambo ya kiro. Parce que la parole de Dieu elle est spirituelle. Bitu bya Mungu frère ni bya kiro sana. Les choses de Dieu sont spirituelles. Ibrahim alikuwa mtu sabantu. Abraham était un homme comme le reste du monde. Wale bantu mukwenda kuharibisha Sodoma. Ces gens lorsqu'ils allaient pour détruire Sodome. Wakati walipitia kwa Ibrahim. Lorsqu'ils sont passés par Abraham. Balivala miri ya bantu sabantu. Ils ont porté les corps des hommes ordinaires. Mais wakapitia kwa Ibrahim. Mais néanmoins ils sont passés par Abraham. Ibrahim akapata kufunuo. Abraham a reçu une révélation. Ya kujua katikati ya wale bantu. De découvrir au milieu de ces trois. Kusema moya alikuwa ni Elohim. Que l'un était Elohim. Jani ni Ibrahim alipata ile ufunuo. Pourquoi Abraham a reçu cette révélation? Il est njoko na kosa batu ba mingi sana mwiki kizazi. C'est ce qui manque à beaucoup de gens dans cette génération. Parce que tuko ni mumambo ya kiro. Puisque nous sommes dans les choses spirituelles. Ibrahim kama alifikia mkipimo. Si Abraham est arrivé au point. Kujua kusema huyu ni mtumishi wa Mungu. De découvrir que celui-ci. Ces gens sont messagers de Dieu. Celui qui est au milieu là c'est Elohim. Ni jua alikuwa mu ali ya kiro. C'est puisqu'il était dans l'atmosphère spirituelle. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Angalia frère, regarde mon frère. Ile hali ya kiroho ile, cette atmosphère là spirituelle, njoba mingi sana bana nayo. C'est ce qui manque beaucoup de gens. Njoba mana leo bitu bya kimungu. C'est pourquoi aujourd'hui les choses divines. Biko na pita batu ba mingi mbari sana. Ça passe outre beaucoup de gens. Kama mutu frère ana chunga hali ya kiroho kando kando yake. Lorsque quelqu'un gardait l'atmosphère spirituelle autour de lui. Kuna kalaka bitu bile binekalaka mukuleta hali ya kiroho ndani ya mtu. Il y a des choses qui accompagnent l'atmosphère spirituelle dans un homme. Est-ce que tuko pamoja? Sommes-nous ensemble? Biko wako. Ça existe. Kia kwanza. Premièrement, ni maombi. C'est la prière. Mungu abade mbariki. Que Dieu vous bénisse. Angaria frère. Regarde mon Angaria frère. Dada. Regarde ma soeur. Kama mutu anajiweka mkuomba saa yote. Lorsque quelqu'un se consacre à prier à tout kando, moment. Kando yake kunekalaka atmosphère spirituelle. Autour de lui il y a l'atmosphère spirituelle. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mutu wa maombi. Un homme de prière. Ashi kotolake mu désordre. Il ne commet pas de fautes en désordre. C'est la vérité. Libya kweri. Lorsque quelqu'un est tellement un homme de prière, c'est-à-dire en lui, il y a une atmosphère, les choses de Dieu pour lui. Il va commencer à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Il va commencer à sentir des choses que les autres ne peuvent pas sentir. Cette atmosphère, c'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. La prière, ça donne une atmosphère. Lire à tout moment la parole de Dieu, atmosphère. Ça amène une atmosphère. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Voilà des choses que beaucoup de gens manquent. Vous allez poser la question aux frères et aux sœurs. Qui a lu même des versets de la Bible aujourd'hui? Ils sont moindres, minorités. Mais les soirs ils arrivent. Ils sont venus dans cette réunion dans quelle atmosphère? Hein? Oui. Êtes-vous venu avec une atmosphère? Nous ne savons pas l'atmosphère. Voilà ce qui va vous permettre de retenir la pensée divine. Mais si durant toute la journée tu étais seulement dans tes affaires, il y a commerce de cuisine. À 15h tu vas dépousser ta Bible, tu viens à l'église, tu n'es pas venu dans l'atmosphère spirituelle. C'est pourquoi l'évangile sera prêché. Tu sortiras sans rien recevoir. Que Dieu vous bénisse. Tu vas sortir sans rien. La prière. Lire la Bible ainsi que les messages. Ça crée une atmosphère. Même les chansons qui sont inspirées. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Angaria frère, regarde mon frère. Ya Mungu. Les chansons de Dieu. Ya il y a certains cantiques spirituels. Tu commences seulement à les chanter là, tu vas recevoir une onction. Toutes ces choses là spirituelles. Ça amène l'atmosphère spirituelle. Je ne pense pas que quelqu'un qui chante un cantique inspiré peut encore insulter. Non. Il peut encore avoir de mauvaises pensées sur quelqu'un. Non. Mais si quelqu'un est déjà dans cette atmosphère, par exemple, il chante par exemple. Je ne craindrai pas les tentations de Satan. Jésus est à côté de moi. Je pense dans cette atmosphère qu'il commence à avoir de mauvaises pensées. Non. Parce que lui-même a créé. Vous serez surpris après avoir chanté. Les chansons vont te donner une onction. Ils vont te conduire à la prière. Dans cet état-là, tu verras des choses. Somnol depuis 17h. Mais à la lamukata na 18h moins l'écart. Il se réveille même à 18h moins l'écart. Pourquoi? Atmosphère arikuya na arikuya mubaya. L'atmosphère avec laquelle il est venu était mauvaise. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Kila nduku na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Mu maisha yake. Dans sa vie. Kama kuna penda kuonja bya kimungu. C'est la vérité, c'est simple. Sois d'abord un homme de prière. Que tu lises à tout moment. Il y a certaines expériences qu'on voit dans la parole de Dieu. Tu peux avoir un sujet. Tu lis la Bible. Tu lis aussi les messages. Mais à un certain moment, chaque message que tu voudras lire, Dieu te donne toujours de bonnes pensées. Les messages que tu voudras lire, tu croiras que c'est Dieu qui est en train d'arranger ta prédication. Vraiment, la parole de Dieu est bonne. C'est pourquoi vous verrez le prédicateur monter à cher. Vous allez croire qu'il connaît beaucoup ses lettres. C'est Dieu lui-même qui a tout arrangé. Chaque frère et chaque soeur doit être dans l'atmosphère spirituelle. Est-ce que pas mourir? Sommes-nous ensemble? Que Dieu vous bénisse. Et ce qui crée l'atmosphère spirituelle, la prière, ni maombi. Que Dieu vous bénisse. Lire beaucoup. Chanter des cantiques inspirés. Et la vie de sainteté. Que Dieu vous bénisse. Dès que tu accomplis toutes ces choses, tu accomplis toutes ces choses là, ma soeur. Dans ta maison, dans ta vie, Dieu va commencer à te visiter à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de la Bible. Il viendra chez toi à tout moment. Et tu te sentiras très bien. C'est parce que cette atmosphère-là n'y est pas. Oui, frère. C'est pourquoi les choses de la Bible, les gens considèrent cela comme des choses anciennes. Aujourd'hui, les anges ne sont plus visibles. Non. Ce sont les mauvaises choses que vous gardez. Et une mauvaise atmosphère que vous gardez. C'est ce qui a fait que Dieu ne vous visite plus. Que Dieu vous bénisse. Comment expliquer que Dieu peut te donner un bon songe pendant que toi tu t'es endormi tout en colère? Que Dieu bénisse. Angaria, frère. Regarde mon frère. Lorsque quelqu'un s'endort en colère, il ne peut pas avoir des rêves de Dieu. Est-ce que tu vois? Tu ne peux jamais avoir un songe venant de Dieu. C'est la vérité. Nikweli. Unalala. Tu t'endors. Avec des conflits des gens. Tu ne verras jamais de songe venant de Dieu. Ce que tu auras comme songe, ça viendra c'est de la vérité. Toi. Nikweli. Maombi, frère. La prière, mon frère, ça amène l'atmosphère spirituelle. Prenons d'abord en acte chapitre 10. Il y a l'histoire de Corneille. C'est Corneille, la Bible dit qu'il était païen. Lorsque quelqu'un garde l'atmosphère spirituelle, le Dieu du ciel lui-même va se révéler à toi. Même si tu ne connais rien, c'est Dieu là pour qui nous nous réunissons et wa kushangaisha. C'est la vérité. Ni kweli. Unakuya, tu viens. Unarudia, tu rentres. Unakuya, tu viens. Unarudia, tu rentres. Mais hakuna kile kinafanyika. Il n'y a rien qui s'est fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu vous bénisse. Bible mon Acte des Apôtres chapitre 10. Matendo amitume sura 10. Tuanzie paka pale. Nous allons commencer par le premier verset. Il y avait à César un homme. Kule ku César kulikuwa mtu mmoja. Nomé Corneille. Jina lake Cornelio. Centenier dans la cohorte dite italienne. Mkuu wa baska de sainteté et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Que Dieu vous bénisse. Vers la 9e heure du jour, Musa tisa ya mchana, Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Akaona waziwazi muono malaika wa Mungu. Qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Ulalingia kwake na kumwambia Cornelio. Le regard fixé sur lui. Macho yake yenye kumwangalia. Il saisit de froid et lui répondit. Akashikwa na boka na kusema. Où est ce Seigneur? Weni nani bwana? Et l'ange lui dit. Na malaika akamwambia. Prière et tes aumônes. Masadaka yako na maombi yako. Sont montés devant Dieu. Ilipanda mbele ya Mungu. Et il s'en est souvenu. Naye Mungu anakukumbuka. Mungu apate kumbariki. Jehovah bénisse. Uyu mtu alikuwa saa yote mu maombi. Cet homme était continuellement dans la prière. Alikuwa mtu wa kubapagano. C'était un homme de païens. Mais Bible konasema mule mu maombi yake. Mais la Bible dit que dans sa prière, akaona vision. Il a vu une vision en nom. Malaika akamtokelea. Un ange lui est apparu. Akamwambia kusema. Il lui a dit que maombi yako, tes prières, na maisha yako ya utakaso, et ta vie de sainteté. Ile vitu vinafika kumbele ya Mungu. Ces choses là sont arrivées devant na Dieu. Na Mungu anakukumbuka. Et Dieu s'en est souvenu. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Tianini. Pourquoi? Alikuwa muhali ya kiroho. Parce qu'il était dans l'atmosphère spirituelle. C'est la vérité. Ni kweli. Kila ndugu na kila dada. Dadi, chaque frère et chaque sœur. Kama anapenda kuona ba malaika. Si tu as besoin de voir les anges. Anapenda kuona vitu vya kimungu. Si tu veux voir des choses divines. Achunge tu ile hali ya kiroho kando kando yake. Garde seulement cette atmosphère spirituelle. Mu maisha yake. Dans ta vie. Mu mwenendo yake. Dans ton comportement. Mu bila anazobelea kakusema sana. Dans tout ce que tu as l'habitude de parler. Ikuwe neno ya Mungu. Que ça soit seulement la parole de Dieu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Parce que dunia tu anaishi. Parce que dans ce monde où nous vivons. Angalia hata wale ba disciples. Regardez même ces disciples. Bakwe Maus. De Maus. Bale wadanza kwenda kule kwabo kwa Emmaus. Ils rentraient chez eux à Emmaus. Biblia konasema. La Bible dit. Bale bantu. Ces gens-là. Badanza kusema paka juu ya mambo ya Yesu. Ils parlaient toujours de Jésus. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio ilikuwa conversation yake. Voilà ce qu'était leur conversation. Bale bekona sema paka mambo ya Yesu. Lorsqu'ils parlaient seulement de Jésus. Jésus naye anabatokelea. Yesu naye akabaonekania. Anabauliza. Il leur a dit. Kumbe mungu anasumulia mambo kani? De qui parlez-vous? Mungu apate kubariki. Dieu vous bénisse. Kama ule Yesu alibatokelea bale bana. Si Jésus là était apparu à ces gens là. Anakuya kwa kila ndugu na kila dada. Et qu'il venait à chaque frère et chaque sœur. Na kukuuliza tangia busubui. Et te poser la question depuis le matin. Na 16h pale rukia kumakutano. Jusqu'à 16h lorsque tu es venu à l'église. Mulikuwa nasumulia nini kwako? De quoi tu parlais chez toi? Utasema ni? Que diras-tu? Ni binini mulikuwa nasumulia mu nyumba yenu. Vous parliez de quoi dans ta maison là? Pale tu ulianza safari uko nakuya kumakutano. Lorsque tu as quitté ta maison pour venir à l'église sur la route. Ulikuwa unasumulia nini? Tu parlais de quoi? Eh frère. Oui mon frère. Eh dada. Oui ma sœur. Uko nakuya mubarabara. Tu viens sur la route. Kusema mimi naenda kumakutano. Disant que je vais à l'église. Nikashikie neno ya Mungu. Pour aller écouter la parole de Dieu. Ulianza kusumulia nini? Avant cela, tu parlais de quoi? Eh frère. Oui, ndo. Dieu a kusema hii mangaribi ulikuya. Pour que ce soir tu es venu. Mungu asumurie na wewe. Que Dieu puisse te parler. Ah, Mungu ajifunue kwako. Que Dieu se révèle à toi. Pale ulikuwa nakuya. Lorsque tu étais en chemin. Ulikuya nasumuria munjia nini? Tu parlais de quoi sur la route? Ulikuwa mu atmosphère kan. Tu étais dans quelle atmosphère? Dieu Jésus pale alibatokelea. Parce que Jésus lorsque est apparu à ces gens. Alibauliza wale ba disciples. Il leur a posé la question à ses disciples. Kumbe mungu nasumuria nini? De quoi parlez-vous? Ils se sont tournés devant lui. Ils lui ont dit. Et alors, tu es le seul dans cette contrée. Il ne connaît pas ce qui se passe. N'est-ce pas ce Jésus de Nazareth? C'est prophète puissant. Que ces méchants. Conversation Yahvé. Leur conversation était fondée sur Jésus Christ. Aujourd'hui nous avons des tukuna frères dada, mingi nous avons des soeurs beaucoup depuis le matin jusqu'à ce soir mambo ya Yesu. Ils n'ont pas parlé de Jésus. Kisha banakuya mangaribi. Après quoi ils sont venus ce soir? Asema Mungu atajifunua kwa bongo. Que Dieu puisse se révéler à eux. C'est faux. Tangia busubui frère. Depuis le matin mon frère. Tangia busubui dada. Depuis le matin ma sœur. Ni binini mulianza kusumulia kwa. De quoi est-ce que vous parliez chez vous là-bas à la maison? Ni binini mulianza kusumulia na rafiki yako. De quoi est-ce que vous parliez avec ton ami? Ni binini mulianza kusumulia na telefone yako. De quoi est-ce que vous parliez avec ton téléphone? dans ton téléphone à toi là. Et il y avait les affaires de Jésus. Tu ne verras jamais des choses surnaturelles. Tu ne vas jamais les voir jusqu'à ce que l'enlèvement se fera. Tu n'expérimenteras jamais les choses de Dieu. Ce qui est la base de ta vie, ce sont des choses viles. Lorsque tu commences à parler de la politique, tu es vraiment expert en politique internationale. Mais ouais, frère en Christ. Tout en étant frère en Christ. Lorsque tu commences à parler sur le tribalisme, tellement champion. Tu en connais tellement. Tu connais chaque frère et chaque soeur, sa tribu. Maintenant, ce soir, tu dis, non, je viens maintenant écouter l'évangile. Honte à toi. Tu ne recevras rien parce que ton atmosphère de toute la journée n'était pas l'atmosphère spirituelle. Chaque frère et chaque soeur dans sa vie, il doit garder l'atmosphère spirituelle. Lorsque nous nous réunissons au milieu de nous, il y a celui qui est plus grand que ton cœur. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Kama Jésus Christ leo. Si Jésus Christ aujourd'hui venez à chaque frère et à chaque soeur et que tu posais la question seul là, sur quoi est-ce que vous parliez là-bas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Frère en Christ. Mon frère en Christ. Sœur en Christ. Ma soeur en Christ. Wakwenda kumbingu. Qui veut aller au ciel depuis le matin. As-tu parlé un peu de Jésus? Oh prédicateur, nous allons commencer toujours à parler Jésus, Jésus à tout moment. Même prier, c'est parler. Que Dieu vous bénisse. As-tu prié combien de fois? Sommes-nous ensemble? Des fois, même si tu es avec tes enfants, tu commences à leur dire. Tu commences déjà à l'aider. Si Jésus n'était pas venu, nous tous ici on devrait être perdus. Juste ces paroles là, ça donne l'encouragement aux chrétiens. Sur quoi est-ce que vous parlez dans votre foyer? Pas de problème. Tu vois cet argent? Tu as mal dépensé cet argent. Oh, l'argent que j'ai donné, c'est insuffisant. Tu me donnes peu d'argent. Tu n'es pas comme les restes des femmes. Si je le savais, je ne pouvais pas t'épouser. Des endroits pareils. Vous ne verrez jamais Dieu au milieu de vous. Vous n'allez jamais voir Dieu. Vous vous tiraillez à tout moment. C'est sur des choses vagues. Les chrétiens vont aller jusqu'au parlons beaucoup de Jésus. C'est la vérité. Nikweli. Même si ton frère t'a offensé, il ne faut pas vous tirailler, prier. Vous allez garder d'atmosphère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cela. Que Dieu vous bénisse. C'est compliqué, Léo. Il n'a quoi tarir. Dans nos maisons où nous vivons, il n'y a plus d'atmosphère spirituelle. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, l'évangile est prêché. Les gens sont toujours secs. Ils sont toujours secs. Oui, frère. Dis-en-tu. Tu dois être dans l'atmosphère spirituelle. C'est alors que tu vas discerner les choses spirituelles. Sans cela, tu ne peux pas les discerner. C'est la vérité. Nikweli. Sur quoi est-ce que vous parlez dans votre maison? Là, ça devient difficile. C'est la vérité. Nikweli. Sur quoi est-ce que vous parlez à la sortie de l'église? Lorsque vous marchez à deux, avec ton ami là, sur quoi est-ce que vous parlez? Dans votre causerie là, est-ce que vous pouvez voir des choses spirituelles, surnaturelles? Allez-vous voir des choses surnaturelles? Zéro. Sifuri, rien. Vous n'allez pas les... Regarde mon frère. Biblia konasema, la Bible dit, lisons d'abord cette écriture. Ephésiens chapitre 5. Wa Efeso sura 5. Efésiens chapitre 5. Wa Efeso sura yake ya 5. Biblia nasema hivi. La Bible dit ceci. Verset 4. Msari ya 4. Qu'on entende ni parole déshonnête. Basisikie wala misemo ya ila. Des propos insensés. Wala misemo ya bujinga. Ni plaisanterie. Wala ya mizaha. Choses qui sont contraires à la bien à la bienséance. Bitu byenye kwa kinyume na mwikario mzuri. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Alakini bapate kusikiliza matendo ya shukrani. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Biblia iko très clair. La Bible tellement claire. Mushianze kusumuria vitu vya ovyo. Faut pas parler si des choses malhonnêtes ou Mushianze kusumuria vitu vya mambiza. Faut pas parler sur des plaisanteries. Mon Christ a chikala kama kusema na légèreté. Un chrétien ce n'est pas quelqu'un qui parle avec légèreté. Mon Christ quand même on a sema kintu. Un chrétien lorsqu'il dit quelque chose. Et qu'on a engagé bujima bwake pa ile mambo. Il engage sa vie dans ce qu'il dit. Mungu akona kataza. Dieu interdit. Kusema sema vitu vya ovyo. De parler sur des choses. Vitu vya bubumbafu. Ville des choses insensées. Bienya abina vizuri. Qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas meilleures. Dieu ndu. Parce que tuko ekalu ya Mungu. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Kama Mungu akona besoin na kutumika kazi fulani mu kanisa. Si Dieu a besoin de faire un travail dans cette église. Angalia mavazi yenye kuya propre. Les regards de vyombo qui sont Dieu akusema Mungu akomunike kitu fulani. Afin que Dieu puisse communiquer quelque chose. Mais banduku mingi na badada mingi. Mais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Mawazo yabo iko suyé. Leur pensée ya buchafu. Maisha yabo iko suyé. Leur vie buchafu. Yabo biote biko suyé. Tout ce qui leur appartient suyé. Na Mungu atabatembelea. Comment est-ce que Dieu peut les visiter? Leo mukanisa. Aujourd'hui dans l'église. Yenye kuitwa ya Mungu aliye hai. Il est appelé de Dieu vivant. Mungu anakuwa sa vile un dieu historique. Dieu anakuwa sa Mungu wa hadithi. Dieu a nini? Pourquoi? Bando bachunge atmosphère ya. C'est parce que les gens ne gardent pas l'atmosphère spirituelle. Est-ce que tu pamoja? Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. C'est pourquoi chaque frère et chaque sœur. Anapasi kama unapenda kuonja vya kimungu. Si tu as besoin d'expérimenter des choses, c'est naturel. Parce que tufika na leo. Parce que jusqu'à aujourd'hui. Mungu wetu asibadiliki. Notre Dieu ne change pas. Kama unapenda kuonja vya kimungu. Si tu as besoin d'expérimenter des choses surnaturelles. Dès aujourd'hui. Uchunge hali ya kiro. Garde l'atmosphère spirituelle. Ndani ya maisha yako. Dans ta vie. Ndani ya mawazo yako. Dans ta pensée. Ushatirie mawazo mubaya kuingie. Il faut pas laisser que de mauvaises pensées entrer en toi. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Hata kama unatoka. Même si tu sortais. Dada moya. Une sœur. Ananza kuya kukusuyé. Commence à venir te suivre. Un frère moi ananza kukusuyé. Un frère vient te Choka pa kile kinkundi. Quitte cet endroit. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Parce que kama unashikia vitu vya ovyo. Si tu écoutes des choses sales. Ali ya kiroho itakupotea. L'atmosphère spirituelle va te fuir. Wakati tu unaishi. Le temps dans lequel nous vivons. Bien que injili kona ubiriwa. Bien que l'évangile est prêché. Baaminifu. Des croyants. Mungu anabakaburia ka capacité mara mbili. Dieu leur accorde la capacité à deux fois. Ils écoutent. Kile Mungu akona communiquer. C'est que Dieu communique. Na Dieu wewe kushikia. Et pour entendre. Unapata kwa mwali ya kiroho. Il faut que tu sois dans l'atmosphère spirituelle. Est-ce que tu vas moi? Sommes-nous ensemble? Ni mwile hari. C'est dans cet état. Ndio ile Ibrahim que l'Abraham arivumbulaka Elohim a découvert Elohim. Na wewe kama unapenda kumvumbula. Si toi aussi tu as besoin de le découvrir. Tu vas y aller kando kando. Garde cette atmosphère autour de toi. Mungu ibariki siku ya leo. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Tunaweza kushima. Nous pouvons nous tenir debout. Na kumeditate. Et méditer. Tu as nini mishone bya kimungu. Pourquoi est-ce que je ne vois pas des choses surnaturelles? Kwa kitu kimwa kiendeke. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kila nduku ajiulize. Que chaque frère se pose. Est-ce que Mungu leo anabadilika? Est-ce que Dieu a-t-il changé aujourd'hui? Kwa kitu kile kia nguvu kwa milele. Y a-t-il quelque chose qui est difficile devant l'Éternel? Akina kwa ta kimoya. Il n'en existe pas aucun. Ni wewe njoko na chunga ali mubaya kando kando yako. C'est toi qui gardes mon vert atmosphère. Kila nduku na kila dada afikiri. C'est pourquoi chaque frère et chaque sœur. Kama Yesu anakutembelea leo. Si Jésus te visite aujourd'hui. Et que te pose la question. Sur quoi est-ce que tu parlais? Utamwambia nini? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que bana ba disciples walimwambia. Ses disciples lui ont dit, c'est toi seul étranger ici. C'est Jésus de Nazareth. Ce qui était à la base de la causerie, c'était les choses concernant les hommes du ciel. Et toi? Shina ya conversation mu nyumba yako. L'objet de conversation dans ta maison. Shina conversation ku masomo yenu. L'objet de conversation à votre école. Mu balabala pale unakuyaka. Sur la route lorsque tu viens. Iko pa nini? Ça s'est basé sur quoi? Tombe Mungu shibori. Prions tous ensemble.